بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قضى العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعير الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل 24 من كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم، وقال الشيخ: أفضل الدين يجب على الشيخ أن يأمر المريد أن يذكر الله بلسانه بشدة وعزم، فإن تمكن من ذلك أن يأمره بأن يسوي في الذكر بين قلبه ولسانه إلى آخره. كون باتاي نيغي وون تي غنيلو سيكاري تي تودو كيغا خامتاني نيغي تودو نيتو يالا اي بوروم خوم خوم رحمه الله عليهم رضي عنهم تي غنيل يو ماغ ييغا خامتاني نيوم ньо نيك تي ذكر غيسون نانيو اي واخ يو خامتاني جيغنا تي فونكل اولياء الله رضي الله عنهم تي نين تي مديونا غيس كو ملني ابو سليمان الداراني اك ابو مدين التلمساني اك ابو المواهب الشاذلي كو ملني سيدي ابراهيم المطبولي اك سيدي علي الخواص اك نين رضي الله تعالى عن الجميع. لغي موي نييو دي تودو موم امام الشعراني رضي الله عنه الشيخ بني واخ مانام افضل الدين دو غيسو افضل الذين سبحان ربي كو غيسو افضل الدين يجب لا دو يحب دا فام تام فيكس اوكي edition yi non manam da nga dul xam sax loy waxati dal asen bi je pense que nak lepp wax nañ ko dé moy vraiment yalla may dal vraiment ñu éditer wat vraiment corriger erreur yépp dal vraiment c'est parce que tamit amna erreur yo xamné mom wa catastrophe dal la té nit ku yewul tout rek mën nako vraiment indi non sens de compréhension yu bari wala touru nit mu xamul kan la et cetera. الشيخ أفضل الدين رضي الله عنه مم أك إمام الشعراني رضي الله عنه نيوم نيار أي مبوك لن تي طريق ما شاء الله نيوران عند أي أنا نور لن أي خارج لن يوم نيوران عند تي يوني يالا نيو بوكون سرين سيدي علينا الخواص رضي الله عنه ak yeneen serigne ñu bokkon mais ñom ñaar manam imam ash-sharani radhiyallahu anhu nimu ragne ko won non la serigne bi tamit ragne ko won cheikh afdaluddin radhiyallahu anhu non la ragne ko won mom tamit sauf que imam ash-sharani mo gëna siw ndax moy borom talif yu bari radhiyallahu mom neena cheikh afdaluddin neena yajibu warna ala cheikh ci serigne bi an yamura ci mudigal al murid talib bi an yadhkura ci mi tud Allah bur yalla Allah bi lisanihi ci laminam bi shiddatin ci tar wa azmin ak dogu manam andu ci fulle ak fayda comme ni koy waxe ci wala fa in tamakkana bu fekente na jappane na min zalika ci lolu an ya'muruhu amna nun wala bok nga dindi nun gi fa in tamakkana min zalika nga dindi alif bi moy ya'muruhu mu digal ko bi an ci yusawi mu yamale fi zikri ci sikkar bayna qalbi digenti lamin xolam wala sane ak laminam wa yaqulu mu waxne isbut sahal ala istidamati ci manam isbut degeural isbut degeural sa tank wala moy nga degeur ci anam gu degeur wala isbut wala ala istidamati ci sax moy continuity hada zikri ci bi sikkar manam ngay sako saxal bi sikkar mustash'iran sa mbir nek aji yegal yeglu bi annaka naka yow kat bayna yadda yaangi ci kanamu rabbaka sa borom abadan ba faaw bi qalbika sa ak sa xol wala tatruk te bul baye azzikra zikar hatta mbete yahsulu mu amela ka ñal minu ci mom hal bo xamna qawiyun bu deugar la wa tasiru te nga mujj te mu mujj a'da'uka say cer kula lepp zakiratun di aji sikar di aji tuddu la taxfalu dootul yegedet dootul amati insouciance wala negligence an zikrillah ci wol ci tuddu yalla taala aji kawani ay reg kon mom mo ne dal moy dafa war ci serigne bi mu digal talibé bi ci muy zikkar ak laminam and ak ful ak fayda manam mu am tartar ci zikkar gi mu and ak résolution détermination bu dogu wa fermeté bu fekente ne nak légui dem na ba jappandi ci lolu mu digal ko ci mu yamalé nak digënté xolam ak laminam yaangi dé li nak zikkar bi nak ñuy wax moy zikkar yi nga xamné ñoy yu war yi lazimi budé suñu tariqa moy werd wosuf ak hadar yoy mom dang ko wara def ak sa lamine mëno ko def ak lenen sa lamine maintenant nak zikkar biñ lay diggal pour nga zikkar ak sa xol yenen xéetu zikkar yi daf lay permettre nga mëna évoluer di joggé ci zikkaru lamine di dem ci zikkaru bo xamantene sa yoy zikkar ak sa lamine sa xol nga zikkar sa ay zikkar ak salamine en même temps day am lien bu direct ak sa xol d'accord c'est à dire tandem bi après day ñew voilà en même temps yaangi zikkar ak salamine mais sa xol da ngay yek sa xol diko zikkar en même temps donc zikkar bu ñay wax nga def ak sa xol entraînement la voilà pour zikkaru lazimi voilà so koy defati ak salamine nga def ak sa xol ndax tarbiyé bi gep tarbiyé bi mingi d'abord lan ci zikkaru lazimi mi ngi ci wazifa hadara ak wird yoy la nek d'abord ñom ñoy pilier yoy ñoy pilier yi yi ci dess duñu pilier mais tariqa bi bu re tariqa bi parce que li mom buy wax dafa wax de manière générale mais c'est lazim parce que tariqa bu ne amna lazim amna yo xam tane mom lañuy yo da ko spécifier ci tariqa tidiane ya voilà mais tariqa bu nek amna ko mais fi da ngay xamne ci werd ci zikaru lazim yi lay wax wala bok bu fekete ne serigne bi day tarbiyé nit ki manam mom peut-être que pa ci werdu tariqa bu ñu xam mais mu am ben méthode bu muy bu ngoy wala employé ci ay zikar ak yoy mu koy zikar lool non tamit daf koy jaarlo fi d'accord nan ko del zikar nangam comme bu nan ko del zikar Allah Allah tarbiyé sa tarbiyé lool la yow del zikar Allah Allah nangam yoon da koy wax mu def ko ak lamina deng eskay ñeu rizik ak sa xol légui nak mu ne ko so paré légui da ngay def da ngay dajalé zikkar gi ak lamine bi ak xol bi ñuy deppo d'accord ñom ñaar voilà bu ko défé mu ne ko nak saxal ci loolu nga yëgeul sa bop né yaangi ci sa kanamu borom subhanahu wa ta'ala ak sa xol yow légui kon boy wax Allah Allah Allah Allah Allah nga koy wax del teewol ne yaangi ci sa kanamu borom subhanahu wa ta'ala te bul baye zikkar bobu ba nga xamantene da ngay am xaal bo xamantene day deugur ba nga xamne sa yaram yep sa cieur yep dañ koy yek sa cieur yep dañ koy yek di zikkar ñom ci seen bop duñu yegëdeet do ñu amati insouciance ak négligence ci tuddu gi ñu tuddu yalla borom subhanahu wa ta'ala ok dañ nekk ci éveil exactement summa top baada ginnaw an yulqinaw ginnaw bam ko sawé azkar sikar ya'muruna ko digal bil ju'i ci khif ala tadriji ci manam tadrij moy tadrij étape par étape moy ndank dak moy voilà petit à petit voilà d'accord wi tadrij moy étape ci manam ndank dak shay'an ndank dara shay'an ndank fa shay'an japp ndank manam non la ndank moy shay'an fa shay'an dara ci dara peu à peu petit à petit voilà xam nga arab c'est du wax peu à peu petit à petit la yaa mais dinañu si dinañu wax peu à peu peu à peu mais arabe chey an lay wax fa chey an chey moy chose dafa rafet nak chose xam nga tu sais lolu du français mais arabe la wa mais wolof mom du wax touti day wax touti day wax dank lay gëna wax ke touti voilà mais du wax dara dara wa mais français bo xolé peu à peu mais bo xolé ci contexte peut-être bi petit à petit moy gëna approprié wala c'est relatif je sais pas c'est relatif bon je sais pas c'est que xawma fan lay utiliser peu à peu ak fumu utiliser petit à petit xamna dal par étape peu à peu lay wax wa boudé nak lo xamantene luy lu matière la petit à petit lay wax lo xamna ko légui nak xawma bo xam ci yoy rek la wala def en tout cas bon ci petit à petit l'oiseau fabrique son nid parce que matière là l'oiseau voilà voilà maintenant voilà peut-être que peu à peu nit ñi ngi ñew quand gisso ci wax voilà manam mbolo ba ngi ñew manam peu à peu voilà peu à peu la foule voilà ça grandit exactement voilà ala kul hal shay'an fa shay'an mashallah voilà li allah bu ko defé mbagn taqallu di new di doyadi di touti ko waaw ak katanam fa yanqati'a bu ko defé mu dok an zikri wal fikr suko joxe sa yono tarbiya lay orienter ni après dina ñew ci benen développement ci annotation inshallah ci annotation benen annotation du tax ko reuy sax mais daf lay wax yono tarbiya dafa bari ay yoon serigne dañu xam ni ñi tarbiyaté kenn ku ci nek niñ la koy defal ak tamit selon sen tariqa nan lañu tarbiyaté voie d'éducation spirituelle exactement légui mom mu né bu ko waxé zikar yi ci façon bi ma la wax sank ci lamine bi après lamine mu fexé ba mu am relation ak xol bi voilà après nak mu koy digël xif ndank manam étape par étape man nan ko wa legui yow ki mo ne la man damay agn di rer di mbiki da fay desseru te mo de la jogonalu itam mu ne ko wa kay très bien mu ne ko legui dessert ñata nga bon dessert dina di jël pomme ak banana suma paré bolé ci ben kaasu coca ni ko ok legui ataya gi mom bul ko baye non parce que la fatang té ataye ji amna l'air gu muy def ci nit ci niñ koy na waaw si ak café gi sax ah oui ah ñaar yoy mo xamna lool waaw dal xamna ko masha Allah su fekente ne nomé tout dépend sous des zikar kat nga day def ndar ci nit dakoy deugural da légui mu ne ko ataye ji kon bul ko baye kanta pombe ak banana bi baye ci berna tanal nga bayyi ci ben tanal waaw njogonal gi tamit boko mune bayyi baxna mais soko meunagul bayyi grawul ba ci kanam ñu dem buñ dara dawale wer ñaar wer mu woko waaw fo tollu ci affaire bu explique ko ko takko munako legi njogonal gi dessert bi mi andal mom ngay dindi mu dindi ko mu ngi avancer mom dank exactement après buñu démé dawal wér ak fukki fan dem mu wat ko légui ñu lay def moy est-ce que da ngay faral di wor dedet ok est-ce que mën nga wor ñetti fan ci wér bi wala su la nexé tam nga tan altiné ak jeudi su la nexé nga jël altiné kessé mën ko bax mu def loko lool kiss mu ngi koy wagn lo lek gi mu ngi koy xif lo dank étape par étape étape par étape bobu munul ñak bala la dal al imam ibnul jawzi rahimahullah dila dal imam ibnul jawzi rahimahullah dafa lire tire tasawufi rek wallahi gis ci affaire yoyu affaire bi yim ko ay gaay ni daan xifé dégg nan comme ño xamantene dé nga ay ben comme ni mom al-Ghazali net radiyallahu anhu par exemple ci Ihya ño xamantene par exemple ben ki sen ki bi yépp manam ñom dal 360 beñ lañ doon défar def ko ci mbuss parce que bis bu nek ben ñu lek ci ben beñ bu at bi moy at bi ñom lool rek lañu soxla bu dund Allah ak yu mel non té mom ci dafa manam ci bourgeoisie la maggé ci la juddo ci la maggé mom borom alal lañ d'ailleurs mu ngi koy préciser mu né comprendre na na ndekété kenn ku ci nek da nga wara xol selon yow yaay kan selon fi nga magge selon milieu bi nga nek voilà min la faral di xonté dal mo di ne xont gogo boko bo brutalé ci ni ngi koy dëndé wa bo mo tout tamit dina brutal ci sa kaw yow it ah oui di sëriñ bi waxon né ko man damay ndék né sëñ bi damay bay ndék ah way ñet fa la ko def delu wat voilà parce que metti voilà parce que non parce que waji dafa affaire bi dafa brutal ci mom mu mujj ci jël fièvre bu metti metti bu mujj bañ ci soufi sax bañ ko ci bu yag Allahu akbar si après aber bon après mais comprendre na ni mom mo jaaron ci yoon bu baxul bi voilà après mu delu soit alhamdoulillah wa ci jamono joj ci le bindé won ay sey ki talbisu iblis teeram bobu nga xamné mom vraiment iblis moko ci ki quoi mom ci bopam comme li imam ibn hajar haythami rahimahullah mom bindu talbisu bi sa xamou ni iblis mom ci bopam manam talbisu iblis moy jaxasaluk iblis manam iblis bu muy jaxasalaté jaxasalaté voilà ni nga xamanté non lay duggé ci nit ñi dal di ci indi voilà di jaxaso ci seeni mbir muna tay xamul ne terem bobu iblis ci bopam moko jaxass manam mo dugg ci mbirum mom bo tax mu talif terem bobu andak ay mawduat yu ci nek yu bare ay wax yo xamne dara wëru ci et cetera ay net da yo xamne deug waaw talbis iblis di suu même al-Fakihi man koy gis librairie ni suu ak ñom imam al-Lakhmi ñom rahmatullah ñom ñi dañ ni non talbis iblis daganul sax ñu diko lire parce que li ci nek dafa dara ba dara wëru ci imam az-zahabi rahmalahu la même chose non c'est que voilà talbis iblis amul ay wax ali moko bind dedet imam ibn al-jawzi wa rahmalahu abul faraj abdurrahman ibn al-jawzi momo bind sifatu safa wa sur les compagnons exactement mom la voilà ñoom la voilà mais bo xolé tire bobu ak ñi bo compagnons ak ñi tek ci gëna manam safa nit ñu sel ñi da ngay gis ne voilà da ngay gis ne daf mom vraiment nitu tasawuf la ci ngoy dang koy comprendre voilà parce que ci ginnal gi lako bind en tout cas c'est très important voilà ak yeneen tire ay ruhul arwah ak yeneen tire yo xamne tan day wone vraiment son caractère que ni mom nitu tasawuf la voilà mais sauf que avant muy voilà bon amna yenen aussi hein yu bind ci yu ko wone mais avant manam dafa topone dafa amul won compréhension bu baax ci affaire bi xamul won ni affaire bi dafa lacc tarbiyé bi dafa am façon et cetera mu deg gaay yele ni ndon ci rek mu lire téré yoy gaay wax d'ailleurs motax mu sévère trop ci gaay ci bim len don dal ki nitu tasawuf fi d'accord wala mais dank la manam kon xiflo gi dank la tadrija manam étape par étape d'accord mais petit à petit wa ci li nga wax kon meun ñu comprendre nek nit ko xamné ni ci bourgeoisie la maggé wa mom buñ ko bëggé tarbiya jaarale ko par exemple est-ce que tarbiya yépp ñaari question bi ci ñëk moy nit ko xamné ci bourgeoisie la juddo mo nga fa juddo lepp alhamdullilah lu mu soxla ñu fajj ak koku amu ben problème que ce soit ci xaaliss wala ci dund wala ci lekk et tout ça mom ñu tarbiya ko est-ce que tarbiya bi forcément day rejoindre deuxième question moy est-ce que tarbiya forcément day jaar ci xiss wala est-ce que amna façon tarbiya bo xamné ni manam duñ la xiflo waaw non c'est que xif gi ci bopam du objectif xam nga waxon nañ la amna ci biñuy gis chapitre bi wax ci ne buñu wut kashfu ak yoy non Développement ak ay karama ak yoy bu mu nek objectif wa gis nañ ne dafa am li taxone ñu doon xiflo nit ñi moy seen xel moy bu ko defé voilà suñu xiflo yu manam li nga xamne mo daal mur seen xel sahar soso day deñ su ko defé duñu am ay xalaat yu bon duñu am ay voilà et cetera wo xam du bari déjà exactement objectif bi lool la yaay deñ donc objectif xiflo gi lool la mais lool ñeneen ñi ñoko manam ñu mujj ñi ñoko def mais ñu jëk ñi doonu ñu won def lool objectif doon yon tarbiyane parce que gaay yu mujj bi ñëwé gis ni gaay ci li lañ ko amé ñoomit ñu japp né li manam biñu gisé ñu jëk ñi am yenn fatkh yi am et cetera ñoom tamit biñu ñëwé ñu bëgg lool la ñu jaaré ko ci ay xif ay ki ak yoy bon ñu jëk ñu soxla wuñ ko won sét lool ñu jëk ñu soxla wuñ won tarbiyé bob ndax dañoo sélon déjà da nga daan gis nit ki foko gisé xélam ak xolam day nekk ci yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ngeureumal yalla ngeureumal yenenbi sallallahu alayhi wasallam biñu démé ba 3 génération wessu ci la lolu deñ nga gis nit ñi tamit di soxla nak légui ñu délo leen manam ba deutel sorte que seen xel ak seen xol day takko ak yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ngeureumal yalla ak ngeureumal yenenbi sallallahu alayhi wasallam légui lolu nak day jaar ci ñu lay zikarlo ak dila nopilo ak xif gi mais yoyu duñu dulu automatique ci ku ne amna ño kenn ku ci nek dal ak li gëna li ëpp ndariñ ci yow du l'intérêt serigne bu baxul du man lolu parce que du xam kenn ku ci nek lan moy bâton pèlerin d'accord donc xif bi amna talib bo xamné sax mom soxlawu mën na ci baña jaar sax waaw soxlawu ko fenn nañu jaar ak mom waaw amna ño xamné tane soxlawu ñu xif gi d'accord donc pas du tout ku nek ak sa méthode voilà d'accord comprendre d'accord dina ci ñu inshallah inshallah inshallah yaangi def kon xif gi dañ la koy def lo dank dank selon nit ki tamen milieu bi mu joge dafa am yo xamanteni mom ngay dindi ci mom am yo xamne do ko dindi ci mom ak yo xamne façon bi ngui koy dindé ci ñom et cetera yaangi deug parce que nit ki su fekkentene mom la lay wax ni su fekkentene dindi wulo xif gi ndank ndak mu ne bu ko defé parce que soko deful katanam ci bopam moy dem moy daan katan gi do do amati katan bu ko defé mu daal di baye ci kar sax ci baye ci bopum ci kar bi lay baye parce que xam nga amna xif yo xamne soko xifé do meuna ci kar d'accord parce que soit méthode mo violente voilà. Pas appropriée voilà donc wadi mom zikar bi da dul sel sax gis nga xif deug boko defé do meuna zikar tewlu bala ngay meuna tewlu deug zikar bi il faut que nga baña xif du deug waaw sama garage gi mom mais aussi sour bu upp tam boko defé waaw do meuna tewlu zikar do mu concentré wu da ngay am tendance bëgg teud exactement min ghayr ifrat wala tafrit gisoon nañ ko ci muqaddima bi introduction bi ci yok ngeum yalla moy di xif mais baña eppal ci lek gi baña eppal ci xif gi manam nga digg doom voilà manger d'une façon modérée exactement mais du xif xif go xamné li metti dedet d'accord après da nga un problème sax pour diamu yalla waaw normalement mom la lay wax ni té lolou kenn ku ci la mëna ko xam mëna xamné bu xifé yenn xif yi bu yisi kar do a concentré wu deug waaw ok deug la mom lesh alors que su fekké téne dama hein xif gi tané na ça va bon ça va quoi manam c'est vrai que sourul mais bon xiful xif bu jekki day wax go xamantene voilà vraiment dako mën supporter quoi voilà ngay gis même da ngay gis même wéru koor bu tombé ak été bi buñ démé ba nga xamantene takusan gi ni ba takusan gi wessu su fekkentene da nga xif gi daf la japp deug hein ay côté 20h yoy boy ci car gi concentration bi day wagneku par rapport ak suba gi bo don ci car man dé say dama xar ndok ba paré dé fois lu yeur day metti surtout été bi wa exactement da ngay tok di wirdi di mir do xam nga kon xif bi xif bi de il faut nga xam ni ngui koy comprendre day dimi xif bi wat ahlu tasawuf di wax c'est très important d'accord xif bi wa ahlu tasawuf di wax mais lolu fondement la ci tasawuf du xif bu metté bi nga xamantene doto xamanté ci loone du bobu d'accord du xif bobu xif gogu moy li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax nahnu qawm la naqulu hatta nashba wala non dañ la naqulu hatta najua wala nashba idha akalna okay aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ñun ay nit lañ sallallahu alayhi wasallam médecin bi dafa xam nga bour bi daf ko yonne ay cadeau mu andal ci cadeau bi ab médecin and ci mu ne mu jël cadeau yi ci dess yépp ne médecin bi mën na delu ñu ne wa lutax mu ne parce que ñun nit lañ ñoo xamantene duñu lek loolu dañuy xif ba para buñu xifé tamit buñu lek duñu lek ba sour ba suñu biir yi ni keul ni lek lu yam ah do manière modère bobu lañuy wax d'accord seen bi amna solo li ngay wax amna solo lol machallah amna solo lol voilà parce que xima xif bima yakarone je pense que peut-être sans beaucoup beul lañ yakarone moy par exemple ben lek ben comme par exemple gaay ñi def lek ñet beñé nan ndox et puis voilà ah non min ghayr ifratin wala tafrit mi introduction bi mi ngi ci muqaddima introduction bi mom lañu jëkke moy biñuy wax ci yi nga xamantene day yok ngum yalla 55 points yoy wa bokon na ci wa amon na ci dama ko wa wa ci nek fi wala yi wa okay mi ngi ni moy wa mulazamatul ju'a wala atashi bit tawassul min ghayr ifratin wala tafrit de du page bob benen page la fi wa fi d'accord wa mulazamatu anum fan la non do fof côté bi la wa mi ni wa mulazamatul ju'a wala atashi bit tawassul min ghayr ifratin wala tafrit moy nga saxo xif ak mar mais ci digg doomu nga bañu eppal ci xir ci sour gi bañu eppal ci lek gi waaw exactement niki nonu ak bi ci dess biñ lan dawamu sahar moy di veye manam ngay jaamu yalla guddi gi nga saxoko lolu mom tamit wat tawassuti la wax moy da ngay digg doomu tamit min khayr ifrat wala tafrit do eppal d'accord donc lepp rek day digg doomu dans les de manière convenable et raisonnable de telle sorte que diga meuna dundou dundou normal et puis pour diga meuna dundou parce que nit ki bu xive ni xivi du meuna yang mul voilà ak bu amul ay nelaw day effet ci dole mom parce que effectivement day am effet ci intelligence am voilà yenn liguey intellectuel du ko man et cetera yi ñi wax c'est très important yi wa tasawuf di wax ci xif ak maraka baña nelaw guddi gi yoy ñuy tuddu nekkul di baña def ki hein nekkul lool nekkul comme lu ñu bari fokk yenenbi sallalahu alayhi wasallam dégo lu wax mom 12 rakka la ran ki 11 rakka la ran def 11 sallallahu guddi gi 11 rakka la ci dan def muy wéru koor muy duddu wéru ko 11 rakka la ran koko moy benen parti guddigi day nelaw ah oui hein voilà wala ñu neul dernière tiers guddigi dernière tiers guddigi deux tiers nga jël dernière tiers nga nafilé ci té dernière tiers bi do nafilé lepp day am benn parti ci dernière tiers bi ci bir dernière tiers bi ngay nafilé lool moy da ngay nelaw lu bari ah si parce que soudul nelaw da ngay wéké wala do meuna productif wa do meuna fonctionner d'une façon tout à fait normale voilà do nek nit ku normal sax yow da ngay déstabiliser wu effectivement parce que bolu nelaw goudi mom journée bi di ngén law voilà bolu lek wa tamit do mana yanu lu dis légui pompier jël sé mom té do am doolé non mais c'est vrai il faut qu'on comprenne que buñ waxé li lañ ci djub wa mu lèr dal voilà parce que li mom vraiment lu am solo la nga léral ko deng wa kon nit ki bu xifé yeen xifi wala mu gëmentu gis nga budul nelaw après day gëmentu même nit ki ndank mën na dem ba nga xamantene lekam sax do fa barati mais ndank la dakoy wañi au fur et à mesure mën na dem tam ba nelawom dootul barati ndank mais aussi selon âge bi nga am say nelaw day reuy ba muy touti comme xalé xam nañ xalé day nelaw 18h ci 24h xalé ha wa lu mu gëna mag nelaw yu gën di wañé muy gën di mag muy gën di wañé lu mu tax un adolescent wala ko xamantene un jeune homme voilà la vingtaine il faut mu nelaw au moins 6h du temps 6h 7h 8h peut-être bari na mais 6h 7h ah oui faut mu nelaw lu toll non hein bon bu yegge la trentaine bon ma wañé ko touti ay 6h ki 5h et demi 5h ça va muy gëndi yek da ngay gis ba day dem bu ma magé am 60 ans 70 ans da ngay gis né lay mëna la sax 2h tan 3h tan té da koy doy képp mu jog nek ci jàmu yalla lool tam yërmu nek yalla ko mag mo ci né subhanahu wa ta'ala ndax dafa def nit ki lu muy gëndi mag di gëna jégé de manière générale borom subhanahu wa ta'ala diko gëna may tan bu mu jàmo yalla comme ça mu djegal ko OK ubbil ko buntu jaamu yalla yi wallahi deng kon nit ki bu nelaw yu doy wala lekul lu doy du meuna concentrer pour ce cas katanu pu manam intensité concentration moy wagne ko te lolou lu ci am solo la OK wa qala mudari waxna inna ash-shaytana li werbor moy shaytana yarkabu day yek day war ahadana ken ci ñun kulama sa yo xamantena xafla dafa sagane yegudi am zikrillah wala tuddu yalla ta'ala ji kawaji nit ki ken ci ñun sa yo xamantena dafa dem ba nek ci ben insouciance negligence ci tuddu yalla shaytana day war ci kaw falaw ko shifa su fekkonté na wuññi nañ falaw su fekkonté na ko shifa wuññi nañ dévoiler nañ li ahadina ñel kenn ci ñun la raa ginnani dana gis iblis yarkabo mu war ko dé kama kem ni nga xamanté na yarkabu nonu lay waré ahadina kenn ci ñun ximaratu mbam nit ki buñ ko bu amone dévoilement day gis su négliger tuddu yalla maam su togué moma bu mu tudul yalla day gis iblis ni war ci kaw comme ni ñi waré ni mi nit ki waré mbam man mo so wax mu jëw bokk ñaw na kat yalla ñu yalla sa bu ñu neeru way lu mu xalaat ko mom sax mom mané ko ci dul kémané la day wax waaw bu waré ci mbam bi nak way sarifa mu gis nga nit ki ni mi waré ci benn mbamam way sarifa mu diko djublu diko di sopandeku ci mom kay fechaw kém num ko sobé rek tola layli gud manam diru guddigi wonna xari ak beccigi kama kulama ghafala sa yo xamanteni dafa yegudi day war ci kawam diko orienter comme ni nit ki bu waré ci kaw maam rek diko orienter nu ko nexe waaw diru guddigi ak beccigi sa yo xamne dafa nek ci negligence moment de negligence rek iblis def ko lolou wa yanzilu anhu wa day waccu wor ci dakoy wacc nak won wacce walif ko kulama sa yo xamantene zakara dafa tuddu yalla wa ajma adduna alqawm nitu yalla yi ala tina an zikra naka sikkar miftah hala du mim miftah moy chabik alghaybi Kump. Le monde du mystère et de l'invisible. Miftahul Ghaibi. Miftahul Ghaibi. Le monde du mystère et de l'invisible. Clé, tiabi bi, clé bi. Moy zikr. Wajadibu te mom moy aji bijji al khayr yu. Zikr walu yep depo nañ ci ne moy tiabi ghaib moy li nga xamni moy xëc asiyé bi xëc yi yep wa unsul ba pare moy aji wittelik al mustahish ki nga xamni dafa njaay allu moy sauvage ku njaay allu moy sauvage ko xamantene mom domestikul d'accord mustahish al wahsha moy ak njaay allu koku nak lolu nit ki daf koy yek ci anam yu wute yu bari ndax nit mën nako yek njaay allu gogou par rapport fim koy ñëk yegi moy par rapport nit ni par rapport nit ni de manière générale ah day commencé dem surtout nit ñu bax ni day dem nga xamni nit ñi lu ñuy gën di sel du len mëna fréquenté maam day ñooñu dañuy infréquentable par rapport ak mom mom day jappé ñooñu dañu tardé wala dañu ils sont en retard voilà wala dañu ñooñu wala ñooñu dal mom mënul épanouir bu nekké ak ñom voilà il ne se sent pas à l'aise par rapport ak nit ñu sel ñi effectivement il a du mal quoi voilà donc dafa am sauvagerie bu am seen digënté manam amul affinité amul d'accord. Un caractère domestique bu nek par rapport ak ñom. D'accord. Comprendre lo ngay wax. OK. Légui lu nit ñi gën di sel muy gëna am gène bobu non. Voilà. Di nek ci mom. Ce qui fait que lolu daf koy indil ben genre espèce de sauvagerie sauf que mom day japp né peut-être il est domestique mais au contraire il est sauvage. Voilà, mom day japp né dafa c'est que ñoñu ñoo fréquentableul. Ils ne sont pas fréquentables. C'est des gens yo xamné en réalité voilà légui donc lu muy gën di déllu ginnaw ci bir sauvagerie maam lu muy gën di avancer ci sauvagerie di am public bo xamné du leen mëna fréquenter manam muy gën di restreindre manam nit ñi ñi gëna ñak manam catégorie bu ñëk bu ñu sell ñi lool ñoñu du leen mëna fréquenter de ce fait yalla da koy xam seen barké bi nga xamné parce que nit ñu sell ñi and ak ñom barké yu bari ño ci né au moins dinañ la conseiller lu bax dinañ la tek ci yoonu yalla dinañ lay orienter ci lool bo toge ak ñom di nga yek leer gu nekk ci et cetera lool nak for yoy nonu dañ koy day sori lu mu leen di gën di sori ñuy gën di am benen ñuy jégué benen ba peuple bi lu ñuy gën di jégué ba peuple bi manam di sauvagerie bi nu muy gën di avancer moy wex xagi ñuy dem ba nga xamantene légui ñu borñi rek lañu mëna nekkal légui buñu démé ma xamné ñu borñi rek lañu mëna nekkal bon pour mom ñi ci dess ils sont voilà bon xam nga en fait gars yi c'est que voilà ñom dundu ñu ci temps bi voilà ñoñu moderne ñu ils sont en retard quoi voilà luy gën di nekk ak ñu mel nonu ñu borñi da nga xamné day dem ba nga xamné même ñu borñ ñoñu sax dootuma nekk ak ñom parce que milieu bobu la fa xew ay xulo la ay waxante lu ñaaw ay jëwante han ay yo xamanteni yu sew yu ñuy defante day mujju ba ñooñu sax doot leen mëna fréquenter kon sauvagerie bi day gëna yok ah ba para mujju gu mu naan way sé que man xam nga légui sénégalais yi quoi han ah wala doot mëna fréquenter parce que xam nga gaay da ngay waru quoi wala yoy han mo sé que mu ngi avancer nak quoi exactement mu ngi avancer sauf que mu ngi avancer yoon bu baaxul bi voilà mais du ko comprendre xamul né mo wéxa moko dugg ndax yalla ci bopam dañ na ci xol bi motax nitu yalla dañ ci munu len fréquenter hein voilà mais mom du ko comprendre petit à petit muy dugg ci wex xagi manax sauvagerie yi day jek rek subhanallah rabbi dootul meuna fréquenter te luddul wa keureum mom jabaram njabotam wala man legui xamna ni may def parce que je me suis rendu compte que nit ñi mënu ñu leen fréquenter légui voilà manam mu jeté tout problème yépp ci nit ñi la mom nak légui voilà man légui voilà damay dem dox limay dox délu ci sama kër man ak sama njabot bon je suis tranquille maintenant voilà sauvagerie gi di gëna avancer soko di ba légui du ci rendre compte du ci rendre compte abadam sauvagerie gi di gëna avancer muy dootul manam wa kërëm nak légui dootul mëna nekk ta ñom wala parce que légui ñom wa kërëm wala am nañ problème légui wala gis na ni mënu ñom ci seen bop wala et cetera xam nga ya un petit souci et cetera par ci par là dank légi nak day am retrait sur soi-même manam légui mom rek manam ci bopom kessé lay mëna replier voilà un repli sur soi-même voilà donc sur sa propre personne exactement donc manati nekkati kenn même wa kërëm yi jabaram yeek doomam yi sax mënatu len wa fréquenter finalement ils ne supportent plus quoi ils ne le supportent plus mbokutu ñu sax sujet yi ñi waxtane parce que ñom tamit en général duñu yar sen jabar yi ci lu baax aussi donc dotu ñu bokati ci ay affaire voilà wala ils ont beaucoup de déceptions par rapport à leurs femmes par rapport à leurs enfants par rapport et cetera ñom aussi vice versa hein ñomit dañ nan voilà pa bi da ngay waru et cetera ben déclaration ñew am dék voilà légui ñom ñu wét ñom kessé commencé nak am sauvagerie par rapport à eux-mêmes amin procédure là petit à petit voilà donc ñu yëg am sauvagerie totale sauvagerie gogo nak ku ci bëgg di génn petit à petit zika mo lay wétali nga dem ba ngay wétaliku motax wétaliku xam nga insan nit bok na ci li tax ñu tuddé ko insan moy unsagi moy le fait que ñu am un caractère domestique c'est-à-dire que ñu nekk un animal social comme niñ ko wax l'homme est un animal social moy lolu moy unsa motax insan ñu tuddé ko insan ci benn ci waxu li tax ñu tuddé ko insan am voilà li tax moy voilà et cetera il y a plusieurs fu mu joggé baatu insan ba tax ñu tuddé len insan nit ke mais bok na ci benn parti bi moy unsa gi nga xamne mom lañ amé moy le fait que ñu nekk ñu social nit donc sociabilité bobu su déñé problème amna bonjour les dégâts baxna lool nak bo bëggé mu dañ zikar ñu la di mudde wétaliku pa par rapport ak yalla kessé na xam par rapport ak yalla yalla rek fess saxol li ci dess lepp nak da di wëlbeutiku di wëlbeutiku di nekk autour de toi nak légui nekk à ton service xamal ni solo ni yalla nek ci sa xol nonu la univers bi yep di womato par rapport ak yow solo ni yalla nek ci sa xol nonu ngay nekke ko xamantene yalla day feñal leppum par rapport ak mam a travers yow donc bo joxe lepp yalla feñal yalla jox la lepp lepp wo matu ci yow dara dootu la meuna mayati dañ ko borom amin lepp nak di tourner autour de yow nga nek kaaba univers bi nit ñeek jinné yeek malaaka yeek objet yi lepp solo ni yalla nekk sa xol rek solo nonu la yalla feñé ci yow à travers le ah donc processus le quoi ah mais zikkar bobu mo koy joxe zikkar wétal bu ngay wétal borom bi sa xol wa diko tuddu la ilaha illallah waaw motax wa jami'u gis nga zikkar aji dajala la mom lañ wax legui ni li chatat ngeel mbolam yi tasaro sahib yi borom manam mbolam li nga xamne dafa tasaro ci borom manam ki zikkar affaireum yep yi tasaro fa yep likoy dajale moy zikkar motax lepp manam moy indi concordance alliance lien par rapport lepp قالوا برم ولي دي نيوخ نه رضي الله عنهم ان البلاء الوير بور موي نات اذا نزل بواتي على قوم تعاونت فيهم تم نيك سين بير ذاكرون اجي سكر hada day delu an hu walif al balaa'u natu gi manam natu gi daf koy dandu day pousse repousser wu wa idha ghalaba su fekentene notna az-zikru sikar ala zakri ci aji sikar ji imtazaja day jaxaso bi ruhi zakri ci ruhu aji sikar gi ismul mazkur tur kany sikar mu yalla Allah ismul mazkur waaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah hein zikkar bu deme ko note moy li nga wax bo zikkar ak salam dem ba mu takko ak sa xol ngay zikkar ak sa xol di zikkar ak sa xol di zikkar ak sa xol day dem ba sa yaram bi yeb day jaxaso ak mom day jaxaso mom da ngay dem ba bu sa zik xol bi bu deme ba nga xamne dalna comme ala bi zikrillah tatma'inul qulub am xol yi ci zikkar rek lañuy dalé moy dal giñ doon wax lool nak après mën nga da ngay dem ba nga xamne nak légui dafa la note légui nak sa ruh moy zikkar zikkar bi sa ruh day dem ba nga xamne day jaxaso turu ki ñi zikkar té moy yalla nga am fanaa'u moy nga jeex tak ci yalla hatta mbetal wer anna lu wer bor moy ba'dhu dhakirin len ci ci karkadi waqa dafarat ala ra'sihi ci kaw bopam hajarun ak khair fa qatar mudadi toq ala adam derat ji ala al-ard ci kaw suuf waqta taba mu bindal bopam Allah Allah gisana wala ka ci kaw ok bindal bopam Allah Allah walaw bu fekkonté lam yakul nekul won min sharafin ci teranga illa lulul ne anna allah nak bur yalla la yu waqtu utul waqt bi waqtin ci ben waqtu mom zikar la yu waqtu utul ko waqtu la kana don na nek zalika lola kifayatun ak dilu doy sekk fi sharafi ci terangam xam nga waxon nañ ni dina ñew ci tarbiya bi bi ni yoon bi da ngay xamne xif lo gog yoy waxon nañ la utilité moy day tax sa xel affaireu tiaxan du ci nek ya ngi de lolu nak motax xif gogou ndank ndank lañ koy amé ba nga xamne nit ki nak day xif complètement ba bakkanam doot ko notati ya ngi deg mais ndank ndank étape par étape motax do eppal do ki manam du xif gi warul dem fo xamne da ngay manquer concentration faut pas que tu es dans les extrêmes quoi exactement legui da nga xamne tariqa bi tarbiya bi ci lenn la nek moy werd wazifa hadar moy presse pas tarbiya so paré salat fatiha waxon nañ lako lo man ci sa jamono mom la borom xam bu walu yep d'accord nañ ci lool c'est vrai après nak amna yenen ñent yo xamne ay keno lañ moy ñent yoy fatiha bin ismil azam sar fatiha bin ismil azam sirrul yawmi nak sirru ziyar legi xamal ne boy comme le seigne ba waxo Allah rabba bila khalwatin ashabahu alanan hatta istaqamu fa ya allah man haahu yasqi al muridin min ka's al wusul ila nahw al murad alladhi qad kana mawahu cheikh natijani radiyallahu anhu mom day tarbiya talibe ci lu amul khalwa min ghayri khalwatin wala i'tizali gis nga cheikh tijani radiyallahu anhu sa sa loko amul khalwa amul ber problème yeneeni gaay wax yeb amu ci werdi bi lañ la wax respecté ko say julli jurom nga respecté ko ci charte yi ci condition yi ci farata yi di respecté lepp respecté ko diko defé ci mbolo yi nga bolé ko sa wazifa hadara ak werd li moy tarbiya bi bu lenen ko la fi wax lenen dalay nax après salat fatihi lo man la ak yenen gaay yépp yi ci bes yépp ay tiaxan dañ lay nax da ngay nax mo joxal tour sanga mak yi def dañ lay nax li moy tarbiya Donc c'est selon ni nga fonki ci ngay avancer, c'est la base. Voilà legui nak lolou moy bu zahir amna batin moy sop cheikh mitidiane la dara ak nek di geureum wa sop yalla yentib sa sam cheikh mitidiane la dara ak di sante yalla yo geureum moy tarakatul mahabba tarakatul shukri wal mahabba voilà lolou gisone nagn ko ci chapitre yewes wa chapitre yewes voilà ko bu baax sax voilà jeex bu la keneen nax yi la li la kula avancer kula gëna avancer yi la gëna avancer maintenant yi nak mëno ci avancer té do respecté sharia mënu né yi bo ci avancer da ngay gis sa sharia day yok sa application sharia sa implication day gën di yok d'accord corrélation bi ak sharia bi day exactement day gën day avancer légui nak tariqa bi kon daño ci li lañ ci bu ko défé mom ci cheikh mitou diarra dal nak moy nandal talibé yaskil mouridina min kasil wusuli ci kas ba nga xamné mom moy mo kas ba mom moy djégé moy yegg ci yalla wakay deng légui kon pour ñu revenir zikar amul waxtu comme waxon nañ ko lol tamit gisson nañ ko teranga doyna moy jaamu yalla la bo xamne yalla da ko fonk xam nga yalla lu mu gëna bëgg ak jaamu yalla da koy gëna saxal julli mo gëna sopp ci farata yi motax daf koy def lo ji juroom yoon par jour da ko sopp sopp ko xamne dañi force def leen ko juroom yoon par jour par force mayuma kenn mu bañ ko def fek mi ngi and ak xelam obligation même bo manul yëngatu def ko amul ben cas buñ la koy permettre ñu nga bañ ko def amul dé rek dé ak xana bañ and ak sa xel djuroom par jour djuroom amul ben jaamu yalla buñu obligé rendre non obligatoire c'est ça que très très très obligatoire voilà azaka mo ci tagu koor yoy par at la et cetera zakat mo ci teggu après corps après ciel ñu wa après at ben yon ci dundu bi la après sino yenen jaamu yalla yi yimi rendre farata yeb du manam de manière convenable lay doon mais zikkar dafa nek jaamu yalla bo xamne mom amul waxtu amul circonstance amul waxtu amul circonstance ce soit permanent voilà lol rek doyna teranga wa qala waxna ne ajma mom man muna ajma depona manam mom cheikh afdaluddin radiyallahu anhu muna ajma depona al qawm nit yu yalla ala ci ne an li wer bo wor moy fawaidu zikri jarign ak sikar la tan hasiru mune fuko teunk de fuko teunk li an nak li wer bo wor moy azakir aji sikar yasiru day mujje don jalisa di aji jotayo al haqq bur yalla bi deug taala aji kawe de lay jotay ak yalla lolou gison nañ ko wa hadaratu al haqq ta hadara yalla bi deug nak la yuraddu deful dello alayha ci mom manam def ko ci dello wa yufariqha te deful takaliko te ak wote muy takaliko te du takaliko mom tamit bi khairi madadin ci lu amul ak teb kullama sa yo xamne warada rotna shartu shartam wa huwa te mom moy al hudur tewlo mo hadar yalla ba ken du ko dakke fofa te du takaliko hadar yalla bi tamit le fait que muy saxo zikr sa su nek lulul ne voilà ba pare lulul ne day am tout temps ay madat moy ay teb ay leer yu wati mom ay njariñ ay fathu ay yeb cetera yu ñew ci mom sa su ne day am ci mom bu fekete ne charte la hein charte zikr amna te charte zikr moy lan charte bi tax njariñ nga nek ci hadara yalla bi lan la moy ngam ci permanence am ci continuité nga sax ci moy nga tewlu ah al hudur moy tewlu wa hadara hudur hadara hadara moy tew teway jotay assemblée voilà mais assistance plutôt assistance hadara voilà hadara moy tew na il a assisté le verbe assister hadara wala al hudur moy tewlu moy le fait nga yek nga tewlu mbir mi yow d'accord legui nak ah musa ba wa ben laaj la bëggon laaj fi kon buñuy wax kon nga sikar mais li ëpp solo kon ci mbir mi du zikar bi ngay sikar wala temps bi koy def li ci ëpp solo moy concentration bi ngay am jeexna qualité bi la du quantité lolou nak señ bi ñu jott préciser parce que yissul ko lolou 2000 3000 4000 même ko def insister nañ ci bu lu bari ci tayseer bi d'accord parce que affaire bi man dama yiñu yu bari dañ meeni waaw dama def li dama def li dama def li walakin jadwa dhikri in lam yakun bihi hudurun qalilun wal hudur gharib sayyid al hajj malik radiyallahu ta'ala alayhi ridha al malik nena ci zajr al qulub walakin waye de fek muy wax ngeene lu sikka muna walakin ala bi zikri ilahi tatma'innu qulub gis nga bi zikri ilahi tatma'innu qulub muna nak gis nga njariñ ci sikkar bob muna walakin waye nak jadwa zikr njariñ ngay jukki ci sikkar di cey juddo in lam yakun dem nekul bi ci sikkar ga hudur ak tewlu qalilun lu new lay don njariñ ngay jukki ci sikkar lu tuti la bo amul tewlu mom mais zikr tuddu fatlikou se rappeler le rappel lolou koy tewlu ge tax ñu wax lolou bu fa nekul njariñ gi dootul baret mune wal hudur tewlu nak gharib ak tu franke c'est étrange legui gaay ci tikkat di tewlu baretuñ te xamu ñu ne affaire bi fofu la nek concentré wul ci qualité bi te baye quantité bi bari loy zikar limi tek moy ci qualité bari way bi du ci quantité bi sayyid muhammad ad-damrawi radiyallahu anhu neena buñuy wax zikar lu bare bare bobu njariñ la soit mom suma jumul daf ko laaj yerenbi sallalahu alayhi wasallam wala mom ci bopam moko wax ala kulli hal ci mom la joge borom kashful hijab indinako niki nonu sayyid al-harazim ci bopam radiyallahu anhu ci jawar maani indinako di wax na suratul khayba wala ñew ci di wax ne amana wa di wax ne mom ci bopam man adam raaw ci bopam radiyallahu anhu mo indi njariñ gu mag gogo leral ko mune mune bari salatu fatih yu ñu la naan dang koy baril par jour lu muy tek del def lu bari lu xam nga lan lay tek moy jour bu nek nga def ben yoon salatu fatih bo xamantene da nga ci tewlu ne ci kaddu borom bi la bok subhanahu wa ta'ala nga xamne yalla rek mo xam yenenbi sallallahu alayhi wasallam te mom ngay ñaan mu jull la ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom miko xam moy deug deug moy tan te nga xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moy secret bi nga xamantene moy secret borom bi subhanahu wa ta'ala moy haqiqatul muhammadiyya a travers mom ci le mbolam xewul aduna ak alakhirah ci la joge mom moy ciosanu mbolam minde fi te mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom dang koy teewal ci sa kanam nga yek ni mom mo lay brancher zikkar bi molay teub leer gi nga xamantene ci nga amé doole ci karko à travers yow lay zikkar bopam lay tu julli ci bopam à travers yow nga yek ne manam ne tamit nga gëm ne salat manam et cetera moy ki rek moy yoy nga xamné tewlu bi la nga tewlu maana bi tewlu sens bi lolou soko defé ben yon par jour ben yon par jour moy bari nga li nga def salat fat so ci dé def deglu so ci dé def 10000 par jour 12000 20000 par jour 1 million té amul ben yon bo ci tewlu ni moy bari wu lolou koy def ku ñëw gi day neew wa moy bari go lo koy def mhm koltu mané cheikh omar radiyallahu anhu wala ñu yom fofu wa inshallah wa parce que li ci dess bari wul mais bo xna ñu yom fofu inshallah inshallah wa xamna bu jotay bi ñu ñu daal yeggal chapitre inshallah inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin